amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde et du choix musical avec la collaboration de Denis Marchand et Yves Farley. Vous pouvez aussi nous écouter en direct sur le web à l'adresse cfou.ca et sur iPhone en téléchargeant l'application C'est fou Live. Aujourd'hui, à l'émission, nous aurons une nouveauté de Steve Hackett, à partir de son album le plus récent, Sylvane d'Allemagne, Accordo dei Contrari d'Italie, Castle Canyon des États-Unis, Goblin et Baroque Project d'Italie. Nous aurons King Batmat d'Angleterre, Sleepstream de la Grèce et pour le bloc réservé aux précurseurs du rock progressif, nous aurons les Québécois Manège, Octobre et Dionne et Bréjean. Alors, on débute l'émission avec Steve Hackett, avec son nouvel album Wolf Light, et on va entendre la pièce-titre de l'album qui est paru il y a 3 semaines. Alors, voici Steve Hackett. We sprang from where the winds had colors, drummed with the bombs, galloped through the clouds, over wastelands we roamed. Wolves from the windswept plain, bound by brotherhood, ran with the doe and deer, loved when we could. Pulse to the heart of the drum, out of the dark, thundering hooves, tearing out of the air. Club of night, always on the move. No one can steal our freedom. Wolf light, eagle's wing, out of the body and into the dream. Can steal our freedom. flight eagle's wings out of the body and into the dream. Alors, c'était la pièce Wolf Light qui est extraite du plus récent album de Steve Hackett, son 24e album studio en carrière, et l'album s'intitule Wolf Light. On va enchaîner et conclure le premier bloc de l'émission avec un groupe allemand du nom de Sylvan, qu'on a fait jouer à l'émission il y a quelques semaines, et j'avais connu le groupe à cette époque-là, lors de l'apparition du récent album Home. Et en fouillant un petit peu la discographie, j'ai découvert qu'ils ont en fait 9 albums studio et que celui qui est le mieux classé parmi les critiques là, dans le domaine, c'est l'album paru en 2006 qui s'intitule Posthumous Silence. Alors, on va entendre 3 pièces sans interruption extraites de cet album-là. On va commencer par Questions, ça va être suivi par Answer to Life et on va conclure avec Message from the Past. Alors, voici Sylvan. What they want to see, act in that courtyard like they want to be the thing. They can hear it, but they deaf indeed. Spread out their ideas egoistically. Change. Alors, c'était Sylvan avec trois pièces extraites de l'album Posthumous Silence qui est paru en 2006. On a entendu Message from the Past, ça a été précédé de Answer to Life et en début de bloc Questions. Alors, après la pause, Accordeo des Contrari, Castle Canyon et Goblin. Alors, sur les ondes de C'est fou, FM 89.1 à Trois-Rivières, vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones, une émission consacrée au rock progressif. Et nous débutons ce deuxième bloc avec un groupe italien du nom de Accordeo dei Contrari. C'est un groupe qui a fait paraître son troisième album studio vers l'automne 2014, donc il y a quelques mois. On a déjà fait jouer quelques pièces à l'émission et on reprend ça ce soir avec la pièce Tiglat. Alors, voici Accordeo dei Contrari. Accordo dei Contrari, groupe italien avec un album qui est paru en 2014 du nom de ADC pour Accordo dei Contrari, et on a entendu la pièce Tiglath. On va continuer avec un groupe américain qui a un album à son actif paru en 2009. Le groupe s'intitule Castle Canyon. Ils ont débuté leur carrière en 1973. Ils ont rompu le groupe en 1975 et ils sont réapparus pour produire en 2009 Gods of 1973. Alors, on va entendre Disaster de Castle Canyon. Thank you. Alors, on vient d'entendre Castle Canyon avec la pièce Disaster et c'est extrait de l'album Criteria Obsession. On a maintenant, en fin de bloc, une nouvelle parution du groupe italien Goblin. Ils viennent de faire paraître Four of a Kind, qui est leur 23e album studio. Goblin, qui est quand même connu depuis 1975 avec les deux, trois premiers albums qui étaient assez prog dans leur facture. Et ils ont délaissé un peu pour faire de la musique de trame sonore de film. Et ça s'est passé pendant peut-être une vingtaine d'albums. Et là, ils reviennent avec une production purement progressive. Alors, on va entendre Mouse Roll. Et c'est tiré de Four of a Kind qui vient de paraître. Thank you. Alors, c'était une nouveauté du groupe Goblin, groupe italien légendaire, avec la pièce Moss Roll et cet extrait de l'album Four of a Kind qui vient tout juste de paraître. Alors, après la pause, le groupe italien Baroque Project, suivi de King Bat Math et Sleepstream de Grèce. Alors, sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières, vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone, une émission consacrée au rock progressif. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour le troisième bloc de l'émission, qu'on débute avec un groupe italien du nom de Baroque Project. C'est un groupe qui existe depuis 2004. Ils ont trois albums, dont un en 2007, 2009 et le dernier en 2012, du nom de Coffee in No Colin. Et extrait de cet album-là, on va entendre la pièce Back to You. Alors voici le groupe italien Baroque Project. Of mine, now it is Alors, d'Italie, c'était Baroque Project avec la pièce Back to You et cet extrait de Coffee in New Colin, paru en 2012. On enchaîne avec un groupe britannique du nom de King Bath Matt, un groupe qui œuvre depuis le début des années 2000. Déjà 7 albums à leur actif, avec le dernier qui s'intitule Overcoming the Monster, et c'est extrait de cet album-là qu'on va entendre la pièce Kubrick Moon. Alors voici King Bath Matt. Alors, c'était King Bath Matt d'Angleterre avec la pièce Kubrick Moon, tirée de l'album Overcoming the Monster, paru en 2013. On conclut le troisième bloc avec un groupe qui provient de la Grèce, du nom de Sleepstream. On leur connaît deux albums, dont le dernier en 2014, du nom de They Flew in Censored Skies. Et la pièce qu'on entend, c'est Lucy's Dream is an Overdose. Alors voici Sleepstream de Grèce. Thank you. Alors, c'était Sleepstream, un groupe en provenance de Grèce, avec la pièce Lucy's Dreams is an Overdose, et cet extrait de They Flew in Censored Skies. Après la pause, Manège, Octobre et Dionne et Bréjean. Nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission Rock de Neurone, une émission consacrée au rock progressif, et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley. Ce bloc est consacré aujourd'hui à les précurseurs du rock progressif québécois. Précurseurs, il faut l'entendre, parce que c'est des gens qui sont quand même très professionnels. Il n'y a rien d'improvisé dans leur musique. On parle ici de Manège, Octobre et Dionne et Bréjean. Alors, on va entendre les trois pièces en rafale, sans interruption, en débutant par « Toujours trop tard », qui est une pièce tirée de l'album « Libre service » qui est paru en 1978 du groupe Manège. On va enchaîner avec « L'autoroute des rêves », qui est la pièce-titre de l'album « D'octobre » paru en 1977. Et on va conclure le bloc avec « Dionne et Bréjean » et la pièce « Transit Express » et ses extraits de l'album « 2 » qui est paru en 1976. Donc voici Manège, Octobre et Dionne et Bréjean. Thank you. Alors, c'était Dionne et Bréjean avec la pièce Transit Express, tirée de l'album 2 qui est paru en 1976. C'était précédé de la pièce titre de l'album L'autoroute des rêves de groupe Octobre, paru en 1977. Et au début du bloc, nous avions Manège avec la pièce Toujours trop tard, et c'est tiré de l'album Libre Service, paru en 1978. Alors, ceci met fin à l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.